Conlambi Mythic Jeudi avec EDS. Point de vue sur les musiques actuelles de Martinique et de Guadeloupe. Premier dimanche de chaque mois sur Radio Fréquence Paris Pluriel, 16h-17h. Bonjour à tous, bienvenue dans Conlambi Musique Jeudi, premier dimanche de chaque mois, 16h-17h sur Radio FPP. Vous êtes avec EDS et pendant une heure, nous allons nous promener à travers différentes musiques actuelles de Martinique, de Guadeloupe. On a débuté avec un groupe qui, comme on dit, fait le buzz avec son blues, ses guitares électriques, mais aussi surtout son créole. C'est le groupe Del Grace, du nom du célèbre abolitionniste guadeloupéen. C'était le titre Monsieur Président, Monsieur Président, où le groupe interpelle le président avec ce titre fort. Et on va enchaîner tout de suite avec un morceau tout aussi percutant, c'est Admiralty avec l'inédit Real Dog. Admiralty qui, comme d'habitude, en marge de ses albums, propose toujours un dancehall beaucoup plus hardcore, on va dire, beaucoup plus proche de ce qu'il faisait à l'origine et de ce qu'appréciait son public premier. C'est le titre Real Dog. Fuck tout fake. Marbal, c'est où ça va me sortir? Dem c'est des mains. Bad, bad, bad. Bad, man, bad. T'as la paix, fais-y, tout c'est pour Hindi, casse un tabac. Y'a qui veut y'a le nom qu'à check. Fuck tout fake. Original, lyrical, bullet in a head. Get to your patine, t'as pas les paroles en pagabon, y'a sous ce qu'on s'en s'y coule, qu'on la colle, pousse, wall, c'est y'a wall, y'a qu'à jouer, l'anga, y'a qu'à foucher, les yeux en bas, y'a le vol, c'est des serpents qui l'a dégoût, on a condensé des caméléons, t'as beau, on est mondage, on s'y l'a, y'a même plus, les mecs accrochés, c'est où? Ouais! Ça met les gosses à boum! Big up à tous les reels! Yes, pas tous les reels! Ouais, pas tous les reels! Ça met les loyaux! Et puis fait que nous pas qu'à chill! Et puis je ne pas qu'à chill! Et puis je ne pas qu'à chill! Chasse nous pas qu'à fréquenter ta spé! Pas qu'à chercher 100 000 nous qu'à castrer, ou si on manque nous de respect! Poussi pas qu'à flexer, no! Qu'à chill, y'a qui est real dog! 100 000 loyal, fuck vous sous pas loyal, admiralty, neg ma one was so wild, tanto yo c'est bas, tanto yo c'est real. Capacé de team en team rat, comme j'ai yat tous les ateliers, dat dat ta bomba clot. Chat dem a chat dem a chat, better watch your back, watch your back, watch your back. If you there you too there you shock. figure ya you be feel tricky as a snapshot. Get on your dance and it up a lip and wall and pack a ball. You got so go so sick on the call a call pussy one say a wall. You got you in and you got fuchsia and you a mad rocky. Y'all go see the same monkey that they go and a conda. See the camille you talk about the moda. Just see that you will feel them like a cash. You're a fucking macadam. Somebody go some boom. Big up back to the real. Yes back to the real. We're back to the real. Some make it wild. If you fake new back a chill. If you do no back a chill. If you do no back a chill. Pass new back a fake out it a spill. Back a cheche some me nuka castre. Us you make you the respect. Pussy back a flex eh no. Ka chill ye ki ye real tag. Some make it. Abone poste, mă pe iacte, cu suse, miștone. Eu îmi iet în bale proiecte. Ca ce cun e chi, pa metere. Le eu pe oalari, eu ca ziu caini la fame. Se pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, fake new back a chill. If you don't back a chill. If you don't back a chill. Pass new back a fake out it a spill. Back a cheche some me nuka castre. Us you make you the respect. Pussy back a flex eh no. Ka chill you real time. Alpha. Comme le vinyle qui creuse le sillon. Le sillon. A vouloir laisser sa marque derrière soi. On fait des millions. On fait des millions. Ça gratte. Donc voici un échantillon de moi-même, hein, qui joue une partie de la partition de ma vie. Check. Quand résonne le clap de fin, parfois sans raison. Y'a pas de, on la refait. La vie c'est one shot, no joke. So, chérie, chaque chose, tout est bénéfique. Programmé pour s'adapter, man, c'est dans nos codes génétiques. Alors évite la dose de regret, ça pèse grave. Allège-toi, qu'avant l'ultime point de choc, c'est trop glauque comme fin de générique. Sache que l'esprit est sélectif, alors ne gâche pas tes chances. Tout dépend du sens dans lequel tu prends le mot réussite. Si tu penses que c'est le sprint, pas t'es cuit. C'est plus de l'endurance, pas une urgence. On est tous tendus, funambule suspendu sur le fil du temps de plus en plus. Fin que la marge est infime. Dans leur agenda infâme, c'est un crime. De se libérer, qu'émanciper son âme est indigne. Drame de notre siècle, si on possède, on se croit libre. On bâtit des totems de vie sur des modèles phalliques. Poussés par l'oppression étatique. Système qui presse sans cesse une orange mécanique. Maintenant qui sait ma bande de panique. Époque paranoïaque, on vit cloîtré dans des carcans qu'on se fabrique. À mater le monde dans un hublot, comme un cosmonaute qui t'a devenir claustrophobe. Pire, sombrer dans une autre folie, accepter la lobotomie. Check de la machine médiatique et les manips de Babylone pour qu'on oublie notre camisole. Le marchand de sable passe tous les soirs à 20h et délivre ses pilules qui nous épuisent pendant que les porcs dans leur course esclaves. Nous esclaves sommes pas prêts à inverser le cours de l'histoire, j'en ai bien peur. It's a bird, it's a plane. Non, c'est ma vibe qui a traversé l'espace pour percer ton cœur et ta tête. Mystique, mes lyrics s'écrasent de manière biblique. Comme une pluie d'oiseaux morts, pour qu'on les honore. Ils sont ma boussole, me stabilise dans la tempête. Me tempère et m'apaise comme un musulman face à la Mecque. Puis-je être en paix, mon seul vœu. Depuis mes 30 berges, gamberge, j'aimais les vrais si le ciel veut. Car la gravité de cette sphère m'enferme, creusée pour libérer un geyser. Dans cet enfer, c'est ce que j'essaie de faire. Alors je m'enterre et cherche la note bleue. La note d'après, l'accord parfait. Je vous laisse le game, moi je joue un autre jeu. Imaginez mon prochain mouvement, le prochain tournant, mon pas suivant. Le silence d'une grosse hésitation éprouvante. Ne pouvant subir une fausse satisfaction étouffante. L'inspiration, mon oxygène. Le vide intoxique, mes espaces de création. Que je garde discret comme une messe basse. Où les failles du système, donc je dessine l'art de nuit. Quand des syllabes colonisent mes synapses. Ma quête c'est le Graal, comme chercher la dernière décimale de pi. J'ai les stigmates, les signes d'une foi funky. T'entends, j'ai les stigmates, les signes d'une foi funky. J'ai les stigmates, les signes d'une foi funky. Je les garde précieusement, fond de mon corps comme un trésor inestimable. Check. C'est toujours en rime et en rythme, plus ou moins tranquille, que je viens me livrer, me délivrer, m'enivrer, en goûtant à l'ivresse de la note bleue. qu'à pour me plonger pieusement dans mes mystères. Je n'ai pas votre Dieu. Je n'ai que mon art, mon gospel, pour me retrouver dans ce nouvel ordre prophétisé par George Orwell. Texte fort du MC Alphaz, A-L-P-H-A-A-Z, toujours à la recherche de la note bleue qui chante l'inspiration avec Vianne à la trompette sur une production de lui-même, Alphaz. On big up le MC, on enchaîne avec un autre MC, The Guadeloupe, cette fois c'est Tiwoni sur le titre Dema Poison. Oui, c'est le Pani Position Redeem, un morceau qui dénonce tout simplement la crise sanitaire aux Antilles, entre chlordécone, sargasse, l'hôpital au sens plus large. On balance tout de suite Tiwoni, Dema Poison, oui. What de ma programme, what de ma plan up? Parce que c'est un plan à destruction que yo ka promote. C'est une révolution que ça ka y provoque. Faut la hutition, mais y'a ça, ça, ça, tout corrompt. Obligé, j'ai mis des fils animeux. Parce que t'es gué la piste qui mine. Tout le temps, la quatrième, la réelle part en désanimeux. Si t'es mano calaminé, c'est pas par hasard si t'es la contamineux. Donc t'es plein de programmes et continue de t'aimer extermineux. Boum! De ma poison, oui. Mais ça pas pire, mais de ma poison, oui. Si c'est politicien, de ma poison, oui. Oh, ça c'est ton unique lot de con. Et fais-nous qu'à respirer ça au gaz. De ma poison, oui. Mais c'est Babylone, de ma poison, oui. Si c'est politicien, de ma poison, oui. Empoisonnez-nous, jeune bayon. Nous trouvons nos méthodes efficaces. Combiner la flore, oui, contaminer la faune. Empoisonner toutes les agricoles, les clores, les cannes. Faut réfléchir avant manger le bonhomme. Faut réfléchir avant de manger comme modèle de réplication politique à fin à fond. Modèle de information, c'est un seul confusion. À part mon belle parole, modèle de cadeau cavane. Peuple a pris en otage en Assa Babylone. De ma poison, oui. Mais c'est Babylone, de ma poison, oui. Si c'est politicien, de ma poison, oui. Oh, ça c'est ton unique lot de con. Et fais-nous qu'à respirer ça au gaz. De ma poison, oui. Mais c'est Babylone, de ma poison, oui. Si c'est politicien, de ma poison, oui. Empoisonnez-nous, jeune bayon. Nous trouvons une méthode efficace. À cause des années de maladies qu'on pas qu'à trouver pas notre côté. Côté, Wada et Matinique, c'est eux qui peut toucher. Toucher, ne fais pas faire peuple à nous, bout que vais faire coucher. Coucher. Les bonnes citoyens, c'est cancer, la force à t'approcher. Alzheimer, en malformation, pas même pas le. Ça en casse, tout pas tout faux, qu'elle mange et masque. L'état qu'a fait l'argent, aïe, fait mission béqué. Tchata qu'elle fait nous briquer. De ma poison, oui. Mais c'est Babylone, de ma poison, oui. Si c'est politicien, de ma poison, oui. Oh, ça c'est ton unique lot de con. Et fais-nous qu'à respirer ça au gaz. De ma poison, oui. Mais c'est Babylone, de ma poison, oui. Si c'est politicien, de ma poison, oui. Empoisonnez-nous, jeune bayon. Nous trouvons une méthode efficace. What de ma programme, what de ma plan up? Est-ce que c'est un plan à destruction que yo ka promote? C'est une révolution que ça ka y provoque. Faut la hutition, mais y'a ça, ça, ça, tout corrompt. Obligé, j'ai mis des fils animeux. Parce que t'es gué la piste qui mine. Tout le temps, la quatrième, la réelle part en désanimeux. Si t'es mano calaminé, c'est pas par hasard si t'es la contamineux. Donc t'as pas de programme et continue de t'aimer extermineux. Ouh! De ma poison, oui. Mais c'est Babylone, de ma poison, oui. Si c'est politicien, de ma poison, oui. Oh, ça c'est ton unique lot de con. Et fais-nous qu'à respirer. Yo, Ben, c'est lui-même, ça pour moi. Yo, Gif, ça va bien, Rito Moji. Vous n'avez qu'un humain, nous a fait. Nous a fait. Yo, Bass, ça va, Dagi. Hein? Toujours up, franchement. My respect, you're done. My respect. Clint Eastwood, French guy, and I just Boston. See a distomer down, he will bust your gun. Ah, ça va peut-être tom tom. Oh la, oh la, oh la. Tout mon respect au papi 5 ans. Encore ni manger yo tout ensemble. Un bad man pas qu'à chouer pour femme. A pas pour aller mon cas, boss up, boom, boss up, boom. Tactique pratique, target statique, ma clique s'applique, paquet cabrit, cassock, kaki. Paquet en pour blabla, ça rapide. Si t'avais disrespect, dis-moi où t'habites. Y'a d'adi, dis votre force, ça peut t'habit. Villa mini red, moon vex, c'est pas qu'à check. Y'a, y'a, te connais, t'es qu'à l'âge, bêta dag. Respect toute blague à pas blague. French guy, y'en a juste Boston. Si y'a dis toma down, il vous bosse your gun. Ah, ça rapide, t'es tout ton ton. Oh la, oh la, oh la. Pour mon respect, au papi zingam. Encore on y mange yo tout ensemble. Un bad man pas qu'à chouer pour femme. A pas pour aller mon cas, boss up, boom, boss up, boom. haka, better new baka. Respect papa, real life raga. Firm like a dagger, brand new chain maga. Mother gilaka, shege wundata. Having this nana, up up yeah yeah. Shak koka dako, put the respect there yeah. Pomun papa yoko, easy pani freye. Respect toto, posa saka ime yeah. My respect here yeah, done. As a man, as a daddy, as a general, me live. My respect here yeah, done. So connect kekalan better dog. French guy and she's Boston. Tout comme on disait pour Admiralty tout à l'heure, là c'était Kalash qui propose également en marge de ses albums des morceaux beaucoup plus hardcore, en tout cas qui collent un peu plus à ce que nous on apprécie, et avec sur le B-Vibes Rhythm qui rappelle évidemment les anciens Rhythm des années 2000. C'est le morceau Respect qu'on a entendu à l'instant, Kalash. On va enchaîner avec un extrait d'un album très important dans le reggae dancehall guadeloupéen, antillais plus largement. C'est l'album En Silence de Missy Sadik. Un artiste très important pourrait parler plus longuement de cet album-là. On a déjà joué le morceau, le hit Popilet. Et là, c'est mon morceau préféré de l'album. C'est le titre Bab encore. Et on tient à signaler voilà, qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont dans cette situation. Des artistes qui nous proposent un dancehall, un reggae adulte, qui correspond simplement à qui ils sont, et le talent de storytelling de Missy Sadik pour nous parler de relations amoureuses difficiles. Écoutez bien, c'est le titre Bab encore. Pourquoi nous on bab encore? On y m'a enlevé, on fait toutes ces nao. Où t'es veillé en mandé au pardon, pas sans laisser au dormi tout celle-là. Ouais, sans griffer, en mandé au moins, elle s'en pète chez nao. Où j'y gai moins, mais ouvre rouge, les moyens d'y ou fermé. Vous carrez fils et des yadou, si vous bisez moins moins fou, fi, histoire en nous en sursis, si à on fil, y. Kaken, c'est toujours moins qui n'y en souci, dans moula ni en goût, si gré bien nous pas fout, si même un petit coup de fil. Aïe, yeah. La la la la la la la la la la. Ou toujours venu le dernier mot avait ouvré pas les pis fort moyen pas j'ai fait ça qu'il faut et vous pas j'aime ni tort qui j'en fais pour tomber malade ou folle et pour voyage là ça vous pas d'accord encore et les larmes d'un crocodile et toute la panoplie si vous écoutez au palais c'est moi qui s'est plié gros saloperie évidemment on va déterrer des dossiers qui j'enfouis ou bon et moi un bon avec aussi la la la la la la la la la la. Et à chaque fois c'est la guerre nous, pas j'ai qu'à propre précaution. C'est caractère de merde contre caractère de cochon. Ou qu'à inventer moins vie avec n'importe qui femme au champ. Donc tant qu'à répondre vous qu'est ou qu'à offert au pis offrant. Des fois pas qu'à dire aïe mais en dit d'un qu'à hélé. Ou qu'à rentrer en crise si moins pour un soulier qu'à traîner. C'est moins qui pas bon, moins qui mauvais, moins qu'à exagérer. Pourquoi nous ensemble encore si sans nous j'asseler. La la la la la. La la la la la. Est-ce qu'à songer, ballon dit fête calime. En t'es qu'à caliner, ou comprends moun pas sav caline. En t'es moun awe, ou t'es moun amwe, nous tombé d'amour. Nous t'es dans le bain, nous tout pas tout nous. T'es main dans le main, nous t'es vraiment fou, nous t'es vraiment bien. Tout ça attirance, nous t'es qu'à communiquer sans parler en silence. On t'y mélodie, et puis on t'y danse. Marcher en bas la pline, fais prudence. Nous pas t'es qu'à sortir des wars, on fait un selfie. On attaque le petit quart d'heure ou les petites 10 minutes instrumentales de la session de cette heure de l'émission Musique Jeudi dans Konanambi, puisque il faut signaler que dans toutes ces musiques actuelles, c'est évidemment l'architecte sonore, on a pu le dire assez souvent, qui est à la base simplement de ces nouveaux styles musicaux à la fois emprunt d'électro, de dancehall, de hip-hop et de musique traditionnelle. On va le voir tout de suite, on va écouter un tout nouveau rhythm qui vient à peine de sortir, il n'y a pas encore tant d'artistes qui ont posé dessus, big up à Pousse au passage. C'est le Calendar Rhythm réalisé par le tambouillé percussionniste musicien Boris Ren Adélaïde. Juste après on va écouter un confrère à lui, c'est DJ Nos qui travaille également sur ce mélange entre musique traditionnelle martiniquaise et musique actuelle. C'est son remix Eugène Mona Souvenir. Et on terminera avec une toute nouvelle production de Malkema Congo Beats Prod. C'est le titre Abolition. Ça fait partie de son projet que vous pouvez voir sur YouTube, Sampling Man. C'est le troisième webisode de Sampling Man. Et il a fait un super travail sur un sample de Henri Guédon, un extrait de l'album Opéra Triangulaire, je crois, puisque j'ai samplé le même morceau de mon côté. Mais ce qu'il a fait est vraiment très très appréciable. On va écouter ça tout à la suite. Thank you. papa. L'artiste guadeloupéenne Swé SWE qui avait sorti l'excellent album Dangereuse, très très bon album de reggae dancehall qu'il n'est jamais trop tard pour découvrir. Elle est de retour avec deux EP qui s'intitulent Grand 8. Il y a une version hip-hop, une version caribéenne et le morceau qu'on va entendre c'est sur le EP caribéenne version. Le morceau Lori, un titre très intéressant, très original, aussi un gros talent de storytelling. Bien, écoutez bien, il s'agit d'un jeune homme qui s'appelle Lori et je ne vous en dis pas plus. Chocolat, panitola. Avant raconter ça tomber. l'instant dans Musique Jeudi, c'était le titre Masque Blanc de la chanteuse Doris, D-O-R-I-S. Elle vient de sortir un EP, un très bon EP, remarquablement écrit sur un sujet pas forcément évident de quête identitaire, mais avec beaucoup de pudeur et d'émotion, vraiment très appréciable. L'enfant noir au féminin, la chanteuse s'appelle Doris, et dans ce morceau Masque Blanc, bien évidemment, c'est un clin d'œil à l'œuvre de Frantz Fanon, à un morceau à travers lequel elle rend hommage à l'homme noir. On reste en compagnie d'artistes féminines sur le très bon remix du morceau Bedroom Queen de Rachel Allison, une espèce de cypher géant où elle appelle plusieurs jeunes chanteuses antillaises. On va citer Lissi Naïs Jean, on va citer Kaylin Rise, Meryl, Tisha, Flo, Baron Lovely et JK, c'est le titre Bedroom Queen. Bedroom Queen, gotta do some daddy daddy thing. Bedroom booty, me a bedroom queen. Bedroom booty, me a daddy daddy thing. Pom pom, shake it, make it daddy daddy thing. Pom pom, shake it, make it daddy daddy thing. Bedroom booty, me a bedroom queen. Bedroom booty, me a daddy daddy thing. Pom pom, shake it, make it pom pom. Pom pom, shake it, make it daddy daddy thing. Enfile un sapsine à vouloir contrôler. Sens qui s'éveille encore et encore. Ce désir et je crains ne plus pouvoir cacher. Que je rêve de tes empreintes sur mon cœur. Nous avons commencé. Il ne manque qu'à nos corps à s'enlacer. On avance doucement. Je connais la danse. Tu connais mes formes. Attends un instant. Je perds toute notion bien du mal. Aucune chorégraphie, mais on est synchro ce soir. Tu réveilles des choses en moi que peu connaissent. C'est ça nous envie. On fait une page jeune de l'aider pour nous, ça prend un pied. Y'a moi qui est armé, faut qu'il s'arrête tout près. Oh, quoi que s'agit, oh, dites pas emoji. Hashtag et aubergine, nanana. Bah, moi, on go carib, plus long qui a caline. Non, on peut qu'est molly, nanana. Tom, tom de qualité. Après tout le monde qui méritait. Nanana. Ou fio nana. Qu'attend nana. Sans dire ah ouais. Nanana. C'est comme moi si que qu'on était là. À pas près de moi. Si je crague mes bails. Casting acteur cinéma. Bedroom king for moi. C'est la nage à attiser. Nous j'a Netflix and chill. Nous j'a please qui sympathiser. Set up de mood on limite amusé. Amusé. C'est le règle là qu'elle nous peut aviser. Espérer ou aviser pour G-spot la localiser. Même tout habillé, désirant déjà déshabillé. Mais j'ai de la pequeni à imaginer. Nous qui bisait en l'ennuité et en matinée. Fais ça nouvé, pas ni limité qu'ils aient trois cabriers. Number 69 and I make you mine. And you kiss it nice and slow. Call my name and I do the same. Then it's time to let it flow. You know what we are gonna do. Où ça va caca, me love, alléluia. Sur ce tatami, faites pas les coups. Back shot dans la bedroom. J'prends ton pouls, mais j'le sens plus, B.A.B. Montrer qui j'en mis la vie, you, B.A.B. Écho de encore de oui, oui. Voisin pas content, boucher Louis, Louis. Mettez-vous en mode bestia, le fait fait moins pas de raison. Paré pour un escal, sexe, salam de queen. Ça pique et c'est. Baby, are you ready? I'm gonna make you in trouble. Call me when you ready. We're coming in with next level, next level. Panny pot. Ce soir, tu seras ma chose. Look at this, look at that. C'est qu'on s'en met l'incantance et avec, baby. To me this, to me that. Beginning as it's out on selfie. Call me, call me, call me. Baby, let your body play the music for me. Boy, I wanna the one you need now. I love it when you hold me, calling my name, begging for my touch. I'm your queen, can you hear me? Love it when you say this thing to me. So excellent, baby. Bedroom, me a bedroom queen. Retour à la monarchie politique has been romantic. Pour couronner le tout, j'aspire. T'es rentré sur un fond de R&D G-string. Mec, porte la BO. Passage, jour pour le rodeo. Sur la plage sans pareo. J'te vois d'en bas, tu me vois d'en haut. Consulte dans ta météo. On est par étagé. Je t'éclore comme un oreo. Laisse-moi lustrer avec amour le précieux joyau de ta couronne. T'inquiète, l'intervention sera pas lourde. Enfin, tu oseras croquer la pomme. Comme papa, pompa. À pleine dent, à pleine dent. Si tu recherches le croquant, t'es en plein dent. À peine, t'es à peine dent. L'acceptation, je m'y vois déjà à plein temps, à plein temps. Bedroom, me a bedroom queen. Bedroom, me a bedroom queen. Bedroom, me a bedroom queen. Bedroom, me a bedroom queen. Bedroom booty, me a bedroom queen. Bedroom booty, me a bedroom queen. Bam bam, shiki niki bam bam. Bam bam bam, shiki niki bam bam. Là, il qu'a gardé toi devant lui. Si un jour pour m'en séparer, on t'y l'a metté qu'à couler. Il qu'a songé le temps passé, il était qu'à marcher collé, mais dans la main. Jacques a fait bien longtemps et Carole peut pas oublier ça qui passait. Wow. Là, t'as allé commencer à tourner. Il pas connaître combien il prend. Il s'habille pas ni pour longtemps. Puis ça mon là qu'est pensé. C'est pas yo qui t'es là pour ça. Vous êtes toujours avec EDS dans Musique Jeudi, Conan Ambi. On poursuit cette heure de découverte d'actualité musicale de Martinique, de Guadeloupe. C'était Sébastien Drumeau qui reprenait le titre Carole de Tania Saint-Val sur une musique de Wizkid. Sébastien Drumeau, un artiste très intéressant qui a sorti le EP qui n'est jamais trop tard pour découvrir, Fosse et l'Amour, et qui depuis un petit moment nous sort sur sa page des mashups, des mélanges de covers d'un artiste sur la musique d'un autre. Il l'avait fait avec Patrick Saint-Éloi sur la musique du Buena Vista Social Club. Et là, il mélange la Guadeloupe et le Nigeria. C'était le titre Carole. On enchaîne avec une autre révélation, on peut le dire, parmi les chanteurs guadeloupéens de musique, on va dire alternative. C'est Dimitri Paul qui sort un inédit. C'est le morceau Mademoiselle. Le morceau est en libre téléchargement, il me semble. Donc, allez chercher ça. Mademoiselle de Dimitri Paul. Elle a le visage toujours ensoleillé. Elle se dandine sur une musique qui vient d'être au pic. Avec des coups plutôt atypiques. Et elle me regarde et j'en perds mon français. Ah, là, là, là. apprend en créole, mais ça toujours trop fort en les mains. Eh, eh, ouh, mamzelle sexy, vêtis couleur chocolat, aïe là. J'essaie de suivre, elle continue, elle ne me calcule pas. Même pas souquer avec moi, mademoiselle. Mais qu'à moi un peu fait bas, oh, oh, oh, oh, oh. Mademoiselle ne veut pas danser avec moi, mademoiselle ne veut pas voyner avec moi, mademoiselle ne veut même pas souquer avec moi, mademoiselle. Mais qu'à moi un peu fait bas, oh. Mais quand moi un peu fait bas, quand moi un peu fait bas, oh, et c'est pour ça que je n'aime pas les soirées. Elles sont toutes jolies, toujours bien habillées, et quand il s'agit de se déhancher, elle préfère rester toute seule pour ne pas s'embêter. Elle s'excuse souvent, disant j'ai mal aux pieds. Deux minutes après, elles sont surexcitées. Et sur le dernier mix que le DJ a envoyé, et moi je suis comme un couillon à les observer. Mademoiselle ne veut pas danser avec moi, mademoiselle ne veut pas whiner avec moi, mademoiselle ne veut même pas zouker avec moi, mademoiselle, mais car moi un peu fait bas, oh, mademoiselle ne veut pas danser avec moi, mademoiselle ne veut pas whiner avec moi. Mademoiselle ne veut même pas souquer avec moi, mademoiselle, mais qu'à moi un peu fait bas, oh, oh, eh, qu'à moi un peu fait bas, oh, mais qu'à moi un peu fait bas, qu'à moi un peu fait bas, oh, hey, yeah. Yo again, the gentleman. Elle n'a pas besoin de Rambo ni de Demolition Man. Elle veut juste un homme qui sache parler aux femmes. L'action pour elle, c'est du mélo, pas du drame. Yo again, the gentleman. Elle n'a pas besoin de Rambo ni de Demolition Man. Elle veut juste un homme qui sache parler aux femmes. L'action pour elle, c'est du mélo, pas du drame. C'est moi contre moi. En cas goumé, c'est moins contre moi. Pas moins goumé, c'est moins contre moi. En cas goumé, c'est moins contre moi. Si y'a trop relève moi, on peut pas m'enlever vous. Mais si y'a trop m'enlève moi, on peut pas réaliser vous. Fin trouver du bout en moi, son travail à tous les jours. Et leur vont pas qu'à voir bien, en qu'elle espère l'amour. Parce que moi aussi, en y dérôle, en sa rouche en compte si fou mi, car tout n'est folle. Faut casser tête en moi, sans moi ni ras-le-bol. A pas tout sans cadre, si y'a qu'à ni contrôle. Un proverbe blanc toujours retourné, c'est là sous sa bénédiction la qu'a coulé. En qu'elle n'y met qu'on chale tourné, laisse un malin qu'à sentir retourné. C'est moi contre moi. En qu'à goumé, c'est moi contre moi. Pas moins goumé, c'est moins contre moi. En cas goumé, c'est moins contre moi. on bat la suite, à pas de mission. Pour rejoindre les troupes, on fait révision. En cas suivre la vérité, bon petit poisson. Qu'à suivre en baleine, puis péni protection. Mais souvent, trompez-moi, préférez dit pas tout. En laisser ça passer, y'en j'a savent ça qu'on joue. Pour moi, et pour vous, en yon mission, faut mener à bout. Y'en pas ni place, moi là, si on peut pas aimer vous, mais respectez-moi, pas respectez-vous. A capote quoi en moi, ni capote pilou. Mais bon Dieu parfait, qui j'ai été que peut faire en vie parfait. C'est le moule là qui belle la caca qui combat en fait. C'est le moule là qui belle la caca qui combat en fait. Sirio à l'instant avec le titre Moins contre moins, MKM Sirio. C'est Y-R-I-O, un artiste très intéressant avec une vraie personnalité que j'ai pu redécouvrir lors du dernier concert du Kako Labo. C'était au Memorial Act en Guadeloupe. Et il avait fait sensation, on va dire, parmi les différents artistes présents sur ce plateau. Un big up au passage au Kako Labo et à tous les artistes qui ont fait ce spectacle de très très bonne facture et qu'on espère voir encore plus souvent, puisque dans Musique Jeudi, lorsqu'on parle d'artistes qui arrivent à contribuer, à apporter quelque chose de neuf à un patrimoine musical très très riche, quoique pas forcément mis en valeur, qui est celui des Antilles françaises, eh bien on peut dire que le Kako Labo fait partie des dignes héritiers et voilà, on voudrait voir ça encore, encore plus souvent. C'était Sirio. Et on va enchaîner avec une découverte pour ma part, c'est le groupe Dordeline, si je prononce bien. Le titre, c'est Laissez-moi aller et c'est le premier extrait de leur album Carnival Odyssée. On reviendra dessus, C'est un groupe qui est basé en France, je crois, à Lyon. La chanteuse Olivia est d'origine martiniquaise, d'où l'usage du créole. Et c'est un mélange d'électro, de jazz, de soul. Il y a aussi, c'est un groupe de trois. Parmi les musiciens, il y a un percussionniste qui apporte aussi des touches de gros cas. Et c'est un mélange, voilà, très intéressant lorsqu'on parle de tradition, de modernité. Voilà, c'est aller écouter ça, Carnival Odyssée, une espèce d'ovni musical très intéressant. Et on démarre avec Laissez-moi aller, on vous en reparle certainement le mois prochain. Laissez-moi aller, être dans l'instant, on serait si bien, sans choisir de camp. Laissez-moi aller, on m'a trop souvent poussé d'un côté. Laissez-moi. Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Et sera pas qu'à pétant s'écouler, puis tradition qui a fait nous content. Estera, soleil en nous, on danse ce velay, en velay comme ça, c'est ça qu'il faut sans nous. Tambourier, y'a toujours vivant, c'est yo qui a fait nous vibrer, voyager à tant temps. Danseuse de tout temps, Madjana, c'est pays à nous. C'est racine dans la nuit, il fait pas peu semblant. Estera, en potomitant, en force qui va galader, en danseuse de tout temps. Laissez-moi aller. Être dans l'instant, on serait si bien, sans choisir de camp. Laissez-moi aller, on m'a trop souvent poussé d'un côté. Laissez-moi, laissez-moi aller. Être dans l'instant, on serait si bien, sans choisir de camp. Laissez-moi aller, on m'a trop souvent sick vibe. Yankee All Stars. Qui dans le mic là? Bon, bonne soirée, Théo. Real sick. Hey yo, classic vibes, c'est ça qui nous vient by. Les regards des squad, nous pas qu'à ce game la bye. Gardez en ciel la nuit, on étoile pour nous tout qui là. Nous déjà ça, nous t'es fait avant Obama. Domine si nous conseiller, ils sont la sac à élever. Et faut là, si on est qui pas qu'à faire la fête. En nouveau griot, les en cachet en mic pour mettre ça sec. All Star contre Dwayne Wade, Wade et Nina. Nous t'es caché chez nous, yo, hey yo, mais nous là. HIP, HOP, 4 chopin, 4 chopin. En côté, l'un main gant ek, en bas de jogging. Tourne à sous de avoir sa c'était backspin. Côté Shango et pack pour casser des platines. T'as un chat qui m'a mangé Mike qu'on nous gâtine. Avant nous même décider la J-Yon des rimes. Cassette sortie basse pas trivé aux abîmes. Six c'est destin, nous basse en discipline. Maxi, album, pièce parfaite, dix platines. L'argent, la team, bof, nous pas de game. J'aime Jean sans chaud, toujours paré pour le crime. Actuellement, l'ose a dépassé farine. L'âge là, monté compris tout vol les cabines. Loyer pour payer, bah moi, chaque petit centime. Ou pas appeler, bah, mais tu laisses pour shopping. Parfait, blocage, sous pas ça fait pumping. Yo, Mada All Star, suit the culture, long time soldat. Tibre Horse là, même pas gangsta, qu'on l'or là. Qui c'est les dios qu'on gâtait, jeunesse à pays, y'a ex, vieux texte abominable, qu'à mettre la snake là-bas. Avec Feb Ababa, capable valer n'importe fucking bla bla. Ainsi n'est là, moi m'pas les ex ça. Pièce pas, et convex pas, consciousness, jeunesse presse pas qu'on est ça. J'ai pas les médias, pas si si y'a. Yo on y refusé, diffusé, ça fait MC y'a, pas pédia. Yo c'est dit y'a, les affaudra nous pela en pays. Garde combien à dans nous qui jasse, grâce à nos frédia. Mi jodi y'a nous réunis, y'a si et ma ici y'a. Et c'est grâce à Almighty, j'ai si nous pas j'ai bout de pièce. Respect bas tout MC qui pas j'ai tout neuf. Yo, God bless, Mada All Star, Mada Met, yes. Pays à rough and tough, non pas ni joke and bluff. Hip hop All Star à la base, non c'est pas pièce rock and roll. Son lac a excité, peuple a pas la peine résister. Bon son que nous qu'a brillé bas les youths et nous qu'a persisté. Crossover si les coins, les frères qu'a tiré si les joints. Les chiens qu'a tiré si les joints, au basket m'a qu'a tiré loin. En pas du genre à mélanger trop con, pas et là. Aussi mes connectés et puis les wheels qu'on mal. Kema, M-A-L-I, Willy Pop, ni en cal, c'est cam. Nous qu'a crasé depuis l'époque des télépales, c'est cam. En bas laissé peser, prodage à dépecer. Il faut qu'à trépasser, attirer pas peut-être en loge à dépasser. En l'école hip-hop là, nous ni des doctorats, y'a ni des CAP. Ils tournaient en primaire, vous faites des théâtres. Mime, chien MIC, depuis en BT. Vibes classique, text, lean, sovine, check-li. Text, capex, sac à promo, drug, ex-sex. Yinki good vibe, même si c'est ça pour ni pour business. Massive la vision plus consciousness. Mais les médias qui assument en rap sans pièce peps. Ils ont les jeunesse flex et puis hip-hop Kleenex. L'émission Musique Jeudi touche à sa fin et on a terminé avec du hip-hop créole en provenance de Martinique. C'est le titre Mada All Stars, une production du Yardi Squad avec Real C à la prod. Et parmi les MC, nous avions Fola, Boogie Flara, Mali, Rachid, Le R et Skiz. Et voilà, allez chercher ça. Il y a un très bon clip d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur YouTube. Vous aurez compris si vous avez pris l'émission depuis le début ou en cours. Musique Jeudi vous permettra voilà, de découvrir tout ce qu'il y a d'intéressant, pas forcément toujours mise en lumière parmi nos musiques créolophones. Et c'est bien sûr un point de vue, donc ce n'est pas exhaustif, mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir, à apprécier. De temps en temps, nous faisons une émission comme ça où il n'y a que de la musique. On a aussi d'autres émissions avec des thématiques, avec des interviews. Donc je vous invite à aller nous chercher sur les podcasts Musique Jeudi. M-I-Z-I-K et plus loin J-O-D-I. La plupart des podcasts sont d'ailleurs disponibles sur le site streetdiamond.fr. Podcast Conan Ambi. Et je vous remercie. C'était EDS et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour toujours plus de musique. Et cette fois, nous aurons un ou plusieurs groupes essentiels en invité. Je ne vous en dis pas plus et je vous donne rendez-vous le mois prochain. À plus tard.